construisent quoi? Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. La música una setmana més s'acosta al nostre espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Això és Hola La Music, el vostre programa de música en francès. Bienvenue, doncs benvinguts amb el nostre programa, benvinguts, benvingudes. Espero que gaudiu de la música que per al programa d'avui us tenim preparades, com sempre, amb els nostres col·laboradors habituals, la Norma, l'Àngel Rodríguez, en Cyril Torres i en Hamid. Tots ells acostaran les seves propostes musicals, com sempre, habitualment, amb el nostre programa. Qui comença és la Norma, amb la selecció que ens fa avui d'un personatge destacadíssim. És difícil triar cançons de Jean-Jacques Goldman, perquè, com ens diu ella mateixa, no sap com fer-ho. Per posar només unes quantes cançons, perquè és impossible, n'hi ha tantes i totes són igual de bones. Totes. Algunes cançons, cantades, per exemple, amb gent com la Carole Fredericks o el Michael Jones, entre d'altres. Avui, però, comencem amb la cançó anomenada La Vase, marxar per trobar un lloc millor. Marxar lluny d'on hem nascut, de les limitacions del lloc on hem nascut, per poder trobar un futur millor. La seva nòvia no vol que hi vagi. És un diàleg entre els dos. La pell de gallina se'n posa amb aquesta cançó. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Tu as la force et la foi. L'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas. là-bas, loin de nos vies, de nos villages. J'oublierai ta voix, ton visage. J'ai beau te serrer dans mes bras, tu m'échappes déjà là-bas. J'aurais ma chance, j'aurais mes droits. On va pas. Et la fierté qu'ici je n'ai pas. On va pas. Ce que tu mérites est à toi. On va pas. Et si les autres imposent leur loi, on va pas. Je te perdrai peut-être là-bas. On va pas. Je me perds si je reste là. On va pas. La vie ne m'a pas laissé le choix. On va pas. Toi et moi ce sera là-bas ou pas. Aquestes cançons són tan bones que no ens importa que en diferents programes surti la mateixa. Aquesta és una cançó que ens va recomanar ja el nostre col·laborador, l'Àngel Rodríguez, amb el programa número 14 de La La Music, i que avui ha obert el nostre programa amb la recomanació i el text que ens portes. Són una altra manera de veure les coses, una altra manera de sentir la música, possiblement aquestes des de més endintre del cor de la nostra col·laboradora. La següent noia que ens ve cantant amb aquesta cançó de Jean-Jacques Goldman és una noia que fa un fill sola, així es diu. Ella ha fet un bebè tota sola. Els pares no estaven de moda en aquella època i tot el dia va de cul per ocupar-se'n d'ell, mentre no para de fumar. Quan ho necessita, el truca i ell la treu a passejar i se n'ocupa. Fins i tot fan l'amor, si ella ho vol. Et le fric et le sa nouvelle féminité. Elle est mal quand elle peut pas dormir. Je l'emmène au cinéma, je lui fais des câlins, je la fais rire. Un peu comme un grand frère, un peu incestueux quand elle veut. Puis son gamin, c'est presque le mien, sauf qu'il a les yeux bleus. Elle a fait un bébé toute seule. Aquesta és la música d'en Jack Jans Goldman, com us dèiem, un intèrpret que al llarg dels anys ens ha acompanyat aquest francès, que va néixer d'una mare alemanya i un pare polac, amb un entorn molt lligat a l'esquerra radical, en política, podem dir, i que ha compost per diversos artistes, com al mateix temps una de les meves preferides també amb el món del pop, la Celine Dion. Un èxit impressionant en les seves cançons, que tanquem amb aquesta col·laboració a l'obrir el nostre programa amb J'étais donc, la cançó que escoltarem, La vie pas pour connaissant. Una dona que viu la vida a través de la dels altres, el temps que passa, ella no l'afecta. Els vius es penseixen, les ombres no. De l'hivern fins a la tardor, ella no té ni febre, ni febre, ni fred. Mesos i anys sense ningú a qui estimar. I rere dia, l'oblit de l'amor. S'assembla a mi aquesta dona, diu, tot i que jo de fred encara en tinc. Norma, gràcies per les cançons de Jean-Jacques Goldman. Aquesta és una peça cantada al costat de Michael Jones. I can give you a voice bred with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry your thoughts in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day. Je te donne nos doutes et notre indicible espoir, les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brûlées. Je vaux. Thank you. esgotant els primers minuts de Olala Music del vostre programa, el primer quart d'hora que ha comptat amb la col·laboració de la Norma, excepcional com sempre. I qui toca ara el torn és per l'Àngel Rodríguez, que una vegada més també, en aquest cas amb una cançó, una recomanació per al programa d'avui. Molt benvingut, Àngel Rodríguez. Què tal, amics de Olala Music? Avui us recomano a tots vosaltres que sigueu aquest espai una de les grans cançons de la jove francesa anomenada Elsa. Es tracta de Temps va pas, editada l'octubre de 1986, quan Elsa només tenia 13 anys. Una peça que fou també la banda sonora de la pel·lícula La femme de ma vie. Ha estat la cançó número 133 més venuda de França. Es calcula que quasi 1.300.000 singles. A nivell europeu va ser coneguda en anglès sota el nom de Papa Please Don't Go. Al Japó fins i tot la van utilitzar com a banda sonora d'un anunci de pantalons texans i en altres països d'un anunci de desodorants. Ja veieu que estem parlant d'una cançó que va tenir molta, molta requesta. Aquí la teniu, Temps va pas, ens la canta Elsa. Comme un voleur, il est Esteu escoltant Ulala Music. De partout, c'est elle que je vois. Même dans la foule, elle se démarque. Elle sait qu'elle fait mal. Elle trouve ça normal. T'as mis ton salaire sur la table. Elle s'en fout, elle te recale. Elle t'a rendu malade. Moi, je l'aurais, je suis prêt car j'en ai connu des milliards. Mais celle-là, elle brille même dans le noir. Celle-là, elle a ce qu'elle veut tout avoir. Viens dans mes bras, tu verras ce que les autres n'ont pas. Viens danser avec moi. Ce que t'as jamais eu, tu l'auras avec moi. Dans le futur, suis-moi. À la fin du film, c'est toi et moi. Oui, dans le futur, suis-moi. À la fin du film, c'est toi et moi. Oui, suis-moi. Oui, suis-moi. Oui, suis-moi. Oui, suis-moi. Pour l'oublier, je n'ai pas de remède. Hier, je l'ai encore dans ma tête. Ses copines, c'est vrai qu'elles sont fraîches, mais je ne veux qu'elle dans la mer qu'au Benz. J'en viens jalouser son ombre. Comment peut-elle repartir sans moi? Je lui ai même pas demandé son nom. Je me le serais tatoué 100 fois, car j'en ai connu des milliards. Mais celle-là, elle brille même dans le noir. Celle-là, elle a ce qu'elles veulent tout avoir. Viens dans mes bras, tu verras ce que les autres n'ont pas. Viens danser avec moi. Ce que t'as jamais eu, tu l'auras avec moi. Dans le futur, suis-moi. À la fin du film, c'est toi et moi. Oui, dans le futur, suis-moi. À la fin du film, c'est toi et moi. Oui, suis-moi. Alonso, en Zeta, és un rapper francès, és en Cassim Djae, així s'anomena, va néixer el 25 de juliol de 1982 a Marsella. És un rapper, hip-hop, gangster rap, va debutar l'any 2002, cantant d'ascendència de les illes Comores i que ens porta un àlbum d'actualitat, amb àlbums prou interessants. Aquell àlbum del 2010, Els temps moderns, va guanyar l'aclamació de la crítica. Després va haver-hi un àlbum que va publicar el 2012, amb un Glogacité, que contenia col·laboracions amb un nombre important d'artistes, com Kenza Farà, Soprano, L'Algerino, entre d'altres. Àlbums que ens han anat acompanyant amb els darrers temps, tots ells molt ben considerats a França, on han arribat, com el Reglament de Comptes, el número 2, o el número 3 d'Avenues de Sant Antoine, que va publicar el 2016. 100% és el títol del seu àlbum de 2017, número 3 a França, a les llistes d'àlbums, i amb diversos senzills, extrets moltes de les cançons, que han entrat a les llistes de singles. Jo diria que gairebé la totalitat de les cançons de l'àlbum hi han entrat en un moment o un altre, tot i que de senzills oficials se n'han publicat fins a 5. Com per exemple aquest Sumoa, que acabem d'escoltar, el número 24, o aquest Jacri, que ara mateix també escoltarem, que va ser el número 42. Estem parlant d'Alonso, aquí, a Olala Music. Thank you. mes angoisses, mes cauchemars que je fais dans la nuit. Ma famille, ma patrie savent que je suis un homme. J'emporterai rien dans ma tombe, même pas une pièce, un atome. En bombe, je te crache mon album. Bombe, bombe, parfois je me saoule et j'écris. J'ai besoin de me faire entendre quand ça monte. J'ai plus de peur, je fuck le monde, je me relève. Quand je tombe, j'appréhende le jour où mourra la daronne. Oh non, j'en tremble, je crains le pire. J'écris mes remords, à trop chercher l'or, je me fais des ennemis. J'ai mal à la vie, je me soigne au touchy. J'écris ma phobie de finir dans un coffre brûlé à vif. Ramasser les papis, c'est chaud, non, non, non, non. Souvent les jaloux se font des tas de films. Y'a trop de poussettes, de donneurs, de go, de balance cousine. Oh oui, parfois j'écris ce qui se passera en avance. Demande pas comment, c'est fou, je sais, non, non. Pour un rien tu sautes, regarde à travers tu sautes. Touche au bénéfice tu sautes, tu veux être son amant tu sautes. Sors un 9000 lit tu sautes, à 6h du mat tu sautes. Même si t'as des gosses tu sautes, t'as beau faire la prière tu sautes. Ouh la la la la la la la la la la la la. Sur ma montre, hey B, je commence à vieillir, je deviens agressif. Donc je m'éloigne des coups de fusil. Je suis comorien, je suis pas né dans le mi. Si, si, puis Marseille, c'est nous, qu'est-ce qu'il. J'écris trop profond, je vais me noyer dans le son. Tonton, je fais le con. Demain, je suis là ou peut-être en prison. J'écris ma crainte, oui, de perdre mon contrôle. Face au mec de ma fille, je l'écrase, voilà, je m'en bats. Résonne, moi je me questionne. Vas-y, dis si je déconne. Mentalité de la zone, je me livre franc, est-ce ma faute? Oh non, ça tu vas le dire à d'autres. Je suis marié à ces bâtiments de force et sans doute. S'en va, veut les vrais au comico, perdre la mémoire. Là j'écris, je suis seul. Je redoute que les genoux ne viennent me voir. Quand je vois la terre, mère se déchirer à la canne dans le racisme. Pourtant, arabe noir, une ici, ce que je vis depuis petit. On vient d'en bas, PLANDA, oui. Oh, y'a des blancs, des jaunes, des braves et des crapules. Oh, on croit en Dieu et non pas à votre Big Bang, Inch'Allah. Qu'on finisse pas dans un sale état, c'est le drame. Les seves cançons també ens acompanya i ho fa per donar un toc diferent també amb el programa de Olala Music, perquè no només viurem dels grans records de sempre, que també són el que solen fer els nostres col·laboradors, la Norma i l'Àngel, aquestes grans cançons de la història. També intentem sempre recordar algun artista en especial. I en Hamid i en Cyril, que ara mateix vindran, també ens aporten un altre món, el de la música internacional en francès, aquella música moltes vegades més africana, oi?, que ens acompanya. D'aquesta manera, i amb aquestes cançons i amb aquestes propostes, doncs el que fem nosaltres és escoltar àlbums més aviat contemporanis del món de la música, representants de tota una generació prou diferent d'artistes que ens arriben des de França o des d'altres contrades. Com per exemple aquest Alonso, aquí recordem amb el senzill més important de moment extret, número 19, tant a les llistes franceses com belgues, on també han triomfat. Focs d'artifici, amb la companyia d'un MHD, es diu, de qui col·labora amb aquesta cançó amb ell. Escoltem doncs aquest tema, aquests tres que us hem presentat, aquest àlbum 100% d'Alonso. Je parie que ce soir tu vas finir seul dans un Uber, alors que t'auras claqué toute ta paye. Du perna aberta. Oh, ne fais pas le fou, tu t'es pris une gifle, tu tends l'autre joue. J'suis avec mes bros, 2-3 sous-sous. Dis-moi c'est quoi ton prix, qu'on fasse l'amour. Ok, ok, ok, j'crois pas qu'on se connaît. Tu as fait disque d'or, mais tu n'as pas de sous. T'es pas michetant. ton app, tu n'as pas de sous. Personne ne va rien faire car nous on casse tout. Ok, ok, ok, elle pousse à consommer. Mais vont-ils assumer? Mais vont-ils assumer? Tu veux une ristourne? Va te faire enculer. Ton mec te paye tout parce qu'il est laid. C'est quand qu'on casse tout, tout, tout, tout, tout. Maintenant, billets, d'appel, tous en tasse dans le portefeuille. Négro, j'suis pas tout seul, tout check son et au fond du club. Reviens le visio, on va tout casser. Ramène tes copines, ça va consommer. Feu d'artifice, je vais les allumer. Ce soir, c'est Spell. Ça dit que je vends la coque, as, as, qui paraît. J'te demande pas ton avis, donc viens pas me les casser. Tu fais la belle sur Snap, mais sans filtre, t'es rené. Ok, ok, ok, t'es l'Elysée. Nous on casse tout, même ton cœur blindé. Tu parles japonais, je cause franco. Et on Rolex pas nous, on te laisse la casio. Ok, ok, ok, elle pousse à consommer. Mais vont-ils assumer? Mais vont-ils assumer? Tu veux une ristourne? Va te faire enculer. Ton mec te paye tout parce qu'il est laid. C'est quand qu'on casse tout, tout, tout, tout, tout. Danse du Bernabé. Maintenant, billets, d'appel, tous en tasse dans le portefeuille. Négro, j'suis pas tout seul. Tout check son et au fond du club. Reviens le vision, on va tout casser. Ramène tes copines, ça va consommer. Feu d'artifice, j'vais les allumer. Ce soir c'est Spell. No hi ha dubte que les llengües són com els colors, passen èpoques. Els colors els passen a les modes, les llengües les passen a través de l'existència dels segles. En algun moment el castellà ha estat important, el català ho va ser, l'anglès, el francès... El francès el teníem una mica oblidat, potser retornarà, però no cal oblidar doncs, que França, Bèlgica, la major part d'Àfrica, Amèrica... A tot arreu es parla francès d'una manera o una altra, i per això avui també ens sorprèn una mica el títol de la cançó que ens aporta en Cyril, perquè sí, jo ja la sé, tot i que vosaltres encara no. En Cyril Torres és el nostre col·laborador, és especialment protagonista d'enviar-nos aquestes cançons i fer-nos descobrir nous mons en el món de la llengua. Benvingut. Gràcies i encantat d'estar aquí novament una setmana més compartint amb vosaltres, proposant i gràcies doncs, per la confiança i per l'escolta en aquest cas. En el meu cas, novament en col·laboració amb el Fabià, que és qui des de les ombres doncs, ens va proposant o susurrant coses que nosaltres probablement no accediríem tampoc. Efectivament, el tema, doncs, el tema es diu Mèxico, tot i que parlem de... amb clau francòfona, però efectivament el francès ha sigut una llengua vehicular importantíssima, ho segueix sent, i al final doncs, les llengües, com la música, serveixen per transmetre emocions i per transmetre doncs, allò que ressentim. Sentim un dels grans grups actuals, un dels les grans estrelles del rap francès i europeu, inclús en el nostre territori, doncs la joventut també els segueix i els coneix. Jo no els coneixia, confesso, és a través d'en Fabien que els he anat descobrint, però són, com us deia, una de les grans bandes de rap i formacions actuals a Europa. Com a totes les grans bandes, doncs també tenen detractors, o vull dir, o gent que està a favor, gent que està més en contra, és segurament el preu d'aquest aquesta fama desmesurada que tenen certs formacions musicals avui en dia. Ells es diuen PNL, PNL, i no per la programació neurolingüística, que és aquesta teràpia que utilitzen els executius agressius per convèncer-se de que són els millors i que són capaços d'aconseguir-ho tot, sinó que vindria a ser l'acrònim de Peace and Love, que l'OVE en argot francès vindria a ser els diners. El que reclamen és pau i diners, aquesta gent. PNL amb el tema, com us deia, doncs, tan francès com pot ser Mèxico. Chaque jour dans ce monde de pute que je vis, chaque jour je rêve que c'est sur la lune que je me tire. Dites à la juge qu'on l'a fait pour survivre. Je voulais le monde, je le veux toujours. Ah oui, ah oui, on a grandi un peu sauvage, mon glé. Tu me comprends pas, mais allez, je mon frère, oublie. À chaque bon char, je me suis su en sursis. Pareil que tu me cherches, moi je suis là, j'aime si si. T'inquiète pas qu'on est fort, qu'on est dur, qu'on encaisse normal. Ouais, bien sûr que je viens de la banlieue, bien sûr que si tu viens tu sais, je t'habille grave normal. Par contre, fais le clochard, ne plaît pas à la paix. Pétasse, on te raccroche quand le Yankee appelle. Yeah, ce genre de castos qui traque une anglaise en espagnol. La vie d'un locatier qui t'accompagne a fait ta folle. Là j'écris mon texte dans la carte, mon avenir en dents de scie. Avec mon cœur sur le dos, sur lequel je m'endormais au 36. Ouais, ouais, ouais. J'ai la haine comme à Mexico. J'marche comme à Mexico. La dégaine à la Mexico. Dans la tête c'est Mexico. Tous les jours c'est la guerre, nous toi le faire à la Mexico. Toujours le doigt en l'air, arriba, arriba Mexico. J'ai la haine comme à Mexico. J'marche comme à Mexico. À la Mexico, dans la tête c'est Mexico. Tous les jours c'est la guerre, nous on doit le faire à la Mexico. Toujours le doigt en l'air, arriba, arriba Mexico. Ouais, je t'en veux m'embrasser. Ouais, ouais. Il croit que je vais être célèbre. Ma haine éclaire les ténèbres. Ma haine. Nous c'est l'ami fait l'oseille. J'ai le cœur en double appel. On s'écarte des anges, j'ai mieux. Faudrait pas qu'ils se brûlent les ailes. Seul mon ombre à l'asile. J'fronce le deuxième sourcil. On place la F et on kill. J'connais plus trop le goût de mes larmes. J'ai un grain, j'roule une graine. J'ai quelques projets qui naissent. Tous fécondés par la haine. Y'a rien à voir et ma rétine se tourne les pouces. Ferme les yeux et l'obscurité j'épouse. Qu'une éclaire ma terre, Rico, j'suis pas comme eux. J'raconte seul dans le hall, ma alliance résonne. Dans la poche, j'reconte, j'ai combien. J'm'écarte des frontières du bien. Peine de ferme le coffre qu'on tient. Tout pour les miens. J'ai la haine comme à Mexico. J'marche comme à Mexico. La dégaine à la Mexico. Dans la tête c'est Mexico. Tous les jours c'est la guerre, nous on doit le faire à la Mexico. Toujours le doigt en l'air, arriba, arriba Mexico. J'ai la haine comme à Mexico. J'marche comme à Mexico. La dégaine à la Mexico. Dans la tête c'est Mexico. Tous les jours c'est la guerre, nous on doit le faire à la Mexico. Toujours le doigt en l'air, arriba, arriba Mexico. Estàs escoltant Hola la Music amb Rafael Corbí. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage elle a disparu. Et j'ai crié, crié à l'île pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré,

peut-être un beau jour voudras-tu te trouver avec moi les paradis perdus. Hola, la musique amb Rafael Corbí. Música en francès, de cap i de peus ens posem amb els nostres col·laboradors que sempre, en cada un dels nostres programes, ens porten la seva visió de la música. No ens quedem amb una careta, no ens quedem amb una sola cosa, sinó que voltem el món cercant bona música. I és gràcies a gent com en Hamid que la descobrim. Bonjour, Hamid. Bonjour, Rafa. Music. Alors, Houria, Souad Massi de l'Algérie. Chanter d'éternelles histoires, des soleils tombés, des lunes pleines, des nuits noires, et sur le bord des lacs où dorment des songes brûlés, j'aurais posé sur ton front des brasiers, j'aurais aimé sculpter d'incroyables poèmes. Des oiseaux enflammés déchirant les nuits blêmes, et sur le toit des montagnes quelques anges de passage auraient taillé dans la pierre des mirages. Oh Houria, il se pourrait qu'on ne croise plus jamais l'amour. Oh Houria, c'est peu qu'il soit mort avant mon retour. J'aurais aimé te donner des rêves fins et bleus, des étoiles éclairées perdues dans tes cheveux, à l'ombre de ton monde, ses lèvres mouillées. Écoutez la vie murmurer. Oh Houria, plus jamais l'amour. Oh Houria, il se peut qu'il soit mort avant mon retour. Chaque nuit t'offrir un bout de ciel, caresser la lumière, lisser un peu tes ailes, des parfums déchirant les lueurs du matin. J'aurais bâti pour toi chaque lendemain. Oh Houria, il se pourrait qu'on ne croise plus jamais l'amour. Il se peut qu'il soit mort avant mon retour. Oh Houria, j'aurais aimé que le brouillard ne touche rien. Oh Houria, que les vents cruels ne coupent pas mes mains. Oh Houria, il se pourrait qu'on ne croise plus jamais. From Algeria. la magnifique Saad Massi. Doncs així deixem el nostre programa d'avui, després de la col·laboració d'en Hamid i amb una darrera cançó d'en Christophe. Una de les peces que ens podien acompanyar des dels anys 80, va ser el 1983. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot a Hola La Music. Fins la propera setmana. C'est mon style différent de tous les autres. Ça lui plaît. Nous danserons cha cha cha avec les filles, j'ai un succès fou. Ouh, le charme, ça fait vraiment tout. Ouh, un petit clin d'œil pour un rendez-vous. Elle reviendra, ou peut-être qu'elle me téléphonera pour me dire qu'elle n'oublie pas, n'oublie pas cette soirée dans mes bras. Les mots d'amour, ça lui plaît. Avec les filles, j'ai un succès fou. Ouh, le charme, ça fait vraiment tout. Ouh, un petit clin d'œil pour un rendez-vous. C'est vraiment tout.